le sable de la plage. J'adore les pâtes à la tomate. Ma tante a un canard. Anna aime la glace à l'ananas.